Alors à 17h, il y aura double H par les élèves des classes de hautbois et de harpe du Conservatoire populaire qui interpréteront des œuvres de Carl-Philippe Emmanuel Bach, Carlo Salzedo, Ossian Minder et Gaetano Donizetti. Ensuite, que j'y retourne, Composers Next Generation 2023, une discussion et des écoutes proposées par l'ensemble Vortex, ça c'est à 18h. Après le soir, le concert de Pierre Bastien et Louis Lorrain à 20h dans la grande salle. Et enfin, l'écoute des conversations acousmatiques Asma Ghanem, Alireza Machayeri. Et ça, ce sera dans le salon d'écoute. Et tout de suite, ou tout bientôt, nous aurons le partage d'écoute de Asia Armetianova, qui était venu hier en interview nous parler de son travail avec le Basel Sinfonietta. À demain. À demain.